Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Johan Penel, désormais ancien président de la Fédération française de badminton. Élu en 2020 avec sa liste Tous Badminton, il avait annoncé en janvier dernier qu'il ne se présenterait pas à un deuxième mandat consécutif et a donc laissé, il y a quelques jours, les commandes de la Fédération à Franck Laurent, seul candidat à sa succession. Johan Penel fait avec nous le bilan d'un mandat qu'il n'attendait pas aussi mouvementé ni dur. Il évoque les réussites et les échecs de son équipe sur la gestion du haut niveau, des finances de la fédération ou encore des mesures mises en place dans les domaines du badminton santé ou l'usage de la data. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! I'm the bad guy. Take that! Et nous sommes donc aujourd'hui avec Johan Penel. Bonjour Johan, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Et je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Johan, bonjour Johan. Alors Johan, petite question, première question un peu personnelle. Je précise qu'on enregistre ça le 11 décembre, donc vous êtes encore président de la Fédé pour quelques jours. On est à quelques jours de la fin de votre mandat et je voulais savoir comment vous sentez. Est-ce que vous êtes soulagé, vous êtes impatient que ça se termine ou alors vous ne voulez pas que ça se termine. Comment vous sentez personnellement? Oh bah, le sentiment, il est forcément mitigé. Il est mitigé parce que quand on s'engage à 100%, forcément, on a envie de voir le fruit de son travail. On a envie de pouvoir écrire encore de belles pages de l'histoire de notre fédération. Dans le même temps, ça a été tellement éprouvant humainement, avec une violence qu'on n'aurait jamais pu imaginer, qu'il y a aussi une part de soulagement. Donc, un sentiment un peu mitigé. Voilà. Je me disais, qu'est-ce qui va le plus vous manquer et à l'inverse, qu'est-ce qui va le moins vous manquer, quelque chose dont vous êtes content de vous débarrasser avec la fin de cette fonction? Ce qui va le moins me manquer, c'est d'avoir à gérer des problèmes en ouvrant ma boîte mail tous les matins. Ce qui me manquera forcément, c'est la possibilité de continuer de faire bouger les lignes, de faire en sorte que la fédération se rapproche de ses licenciés, de faire en sorte que on prépare l'avenir de nos associations. Donc voilà, de plus être en capacité d'influencer la suite de l'histoire. C'est ça qui manquera le plus, de réfléchir en permanence à ce qu'est le badminton, à ce que sont nos clubs, à ce qui pourrait être demain. Ça va être dur de débrancher le cerveau. Bah justement, à la suite de l'histoire, on se demandait si vous aviez pensé à vous présenter pour un second mandat. Aujourd'hui, on sait que vous ne l'avez pas fait. Quand est-ce que vous avez pris cette décision et pourquoi? Alors, on a pris la décision collectivement, puisqu'on était un collectif. Hein. Tous badminton, c'est une aventure qui a commencé en avril 2019, donc il y a quasiment 5 ans. Voilà, on a pris la décision il y a un an, tous ensemble, de faire à la fois le bilan de notre action, là où on était en 2020 quand on est arrivé, là où on voulait amener le badminton au bout de 8 ans, parce qu'on avait construit un projet sur 8 ans, et puis faire aussi un état des lieux de la situation du badminton. Est-ce qu'on faisait plus partie du problème ou plus partie de la solution? On sortait d'une assemblée générale qui avait pour but de nous révoquer en septembre 2023. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le bilan, et de toute façon, on va en reparler, plein de choses extrêmement positives pour notre sport, et aussi des choses négatives. Un bilan, il n'est jamais 100% mauvais ou 100% bon, mais il faut le faire en toute lucidité, et on a une évaluation qui sera publiée samedi à 15h, à la fin de la période des votes. Et dans le même temps, on avait l'impression de plus trouver la recette pour embarquer les parties prenantes. Voilà, la fédération, c'est des dizaines de bénévoles, c'est 40 salariés, c'est 24 cadres techniques d'État. C'est une difficulté managériale d'arriver à embarquer tout le monde. Et puis l'autre difficulté, c'est évidemment le fait d'aligner la fédération, 90 comités départementaux et 20 ligues régionales. Et là-dessus, on avait l'impression de plus trouver la recette, la solution pour embarquer tout le monde. Et sans ça, on peut avoir le plus beau projet du monde. En fait, on n'avance pas. Donc, devant ce constat, l'objectif était de pouvoir être concentré à 100% sur notre mandat jusqu'à la dernière minute, de faire avancer le maximum de dossiers jusqu'au bout, sans avoir à gérer une campagne électorale. C'est intéressant parce que j'allais vous dire que quand vous êtes présenté, quand vous avez été élu, j'avais trouvé votre programme très ambitieux. Et là, je voulais vous demander si vous pensiez qu'il n'était pas trop pour un mandat de 4 ans, mais vous m'avez dit que vous venez de dire que c'était prévu pour 8 ans. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que c'était du coup risqué? C'était une sorte de pari, en fait, de dire on va réussir à faire 2 mandats consécutifs pour avoir le temps de mettre en place tout ce qu'on veut mettre en place. C'est alors trop ambitieux, non. Encore une fois, pour 8 ans, ça faisait sens, parce que il faut le temps de prendre connaissance de tout le fonctionnement de la fédération. Il faut le temps de poser les choses, de voir les premiers résultats, d'expérimenter, d'évaluer, de passer à l'échelle. Donc ça prend du temps. Et souvent on dit voilà, il faut un premier bilan pour poser un premier mandat pour poser les choses, un deuxième mandat pour monter en puissance et un troisième pour capitaliser sur la dynamique. Nous clairement, on voulait pas se projeter sur 3 mandats, ce qui est aujourd'hui le maximum autorisé dans nos statuts. Mais de se projeter sur 2 dans une forme de continuité, mais aussi une forme de transparence. Le projet qu'on a posé, il était ambitieux, mais il y avait plein de choses dedans. On voulait pas juste faire 2-3 promesses, un projet qui tenait en une page, et à la fin, de toute façon, tout le monde aurait été content. Donc là, à la moitié du chemin, évidemment, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites sur ce qu'on prévoyait, mais on n'avait pas la prétention de faire en 4 ans ce qui était rédigé sur 8. Donc voilà, de toute façon, il fallait qu'on soit transparent sur là où on voulait emmener le badminton, et on y reviendra. Et donc, voilà, le but, c'est de dire ce qui a évolué positivement, ce qui a évolué négativement, ce qui reste à faire, en étant le plus objectif possible, même si l'objectivité, ça n'existe pas. Ça reste un mandat politique, donc... Il y a une dose de partialité dans le bilan qu'on publiera samedi. C'est peut-être un peu peu objectif comme question que je vais vous poser, mais à vous écouter, moi en tout cas, il y a une question qui me vient, c'est quand vous dites on n'a pas réussi à fédérer finalement tous les comités départementaux, toutes les ligues, ou en tout cas on n'arrivait plus à le faire. Est-ce que c'est les idées de votre programme de base qui n'ont plus réussi à fédérer, ou c'est au-delà de ces idées-là finalement, et peu importe les idées, il y avait une difficulté à mettre tout le monde sur une ligne commune? Alors il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que on est élu avec 55% des voix en 2020. On avait face à nous 2 listes beaucoup plus expérimentées. Et on sait très bien que dans ces 55% des voix, il y avait des gens qui avaient adhéré à notre vision. Il y a aussi des gens qui ont voté contre les 2 autres listes. Il y a des gens qui ont voulu essayer cette liste-là en se disant tiens, c'est des nouveaux, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Voilà, il y avait certainement beaucoup de motivations différentes chez nos électeurs, mais c'était en aucun cas 55% des gens qui croyaient dur comme fer à notre vision et qui voulaient qu'elle soit mise en place. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on ne ferait pas ce qu'on avait annoncé. Effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Il y a aussi des choses qu'on a faites et qui n'étaient pas dans le programme parce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées. Voilà, c'était important d'avoir ça en tête. Nous, un des torts qu'on a eu, c'est de dire, et ça fait écho au climat politique actuel. Hein. C'est, on a été élu sur un programme, on a fait des promesses, mais on n'a pas fait des promesses en l'air, et on veut que ces promesses elles soient concrétisées parce que on pense que c'est ce qui est le mieux pour les clubs et pour le badminton en général. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que donc effectivement, il y a une fédération et 90 organismes déconcentrés. La question, c'est comment on fonctionne. C'est des associations qui sont autonomes, elles sont déclarées en préfecture. Pour autant, elles ne sont pas indépendantes parce que leur statut doit faire écho au statut de la fédération. Et ils sont là pour décliner le projet fédéral sur leur territoire. Donc après, il y en a qui, d'un point de vue idéologique, sont totalement opposés à ce qu'il y a dans notre projet. Pour autant, ils s'imposent à eux. Donc on a beaucoup travaillé avec les professionnels des ligues et on n'a pas réussi à travailler avec les élus des ligues. Et donc, on a donné le sentiment, et certainement véridique, qu'on décidait tout en haut dans notre tour d'ivoire, sans concertation. La concertation, il y en a eu beaucoup, mais avec eux, ça n'a pas réussi. Donc forcément, on a notre part de responsabilité dans cet échec-là. On a un conseil des présidents de ligue qui s'est très peu réuni et qui aujourd'hui est dans un état de tension et de fracture qui est extrême. Avec des mots qui ont été prononcés qui sont inadmissibles entre bénévoles de manière générale, mais inadmissibles tout court, et des personnes qui sont irréconciliables parce que ça a été beaucoup trop loin. Donc il y a, voilà, il y a ce, on n'a pas placé le curseur au bon endroit sur une certaine forme de rigueur dans la relation avec nos organismes déconcentrés, dont certains globalement font ce qu'ils veulent. Historiquement, ils ont leur propre identité graphique, leur propre projet associatif, leur propre label, leur propre organisme de formation, et on finit par se demander est-ce qu'on est dans le même bateau ou pas. Et face à la concurrence de clubs qui sont affiliés à d'autres fédérations ou de clubs qui sont non affiliés, nous, on pensait qu'il fallait une structure fédérale forte où on portait tous les mêmes éléments de langage, où on avait tous la même identité graphique et on allait dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas challenger la direction, mais que à partir du moment où une direction était prise, on allait tous dans la même. Donc, voilà, ça a été mal pris, ça a été vu comme de l'autoritarisme, et le fait que plus personne n'avait son mot à dire. C'est comme ça que c'est ressenti, et le ressenti, on peut pas le contredire. Nous, ça n'a jamais été notre volonté. Notre volonté, c'était d'être respectueux par rapport au projet sur lequel on avait été élu, et les convictions fortes qu'on a au regard de l'évolution de la société. Ce qui me vient en vous entendant parler, c'est que si on vous dit, vous mettez trop de direction de la Fédé, c'est vu comme de l'autoritarisme. Si vous en mettez pas assez, il y a un manque d'unité. Est-ce que finalement, vous maintenant, vous avez un peu envie de remettre en cause aussi le système, en fait? Est-ce que c'était faisable, ou est-ce que ce système de fonctionnement avec des ligues qui font ce qu'elles veulent, une Fédé qui essaye un peu de tout concentrer, mais qui met pas tout le monde d'accord, est-ce que en fait ce système de fonctionnement, il est viable finalement? Oui, il est viable parce que aujourd'hui, c'est les comités départementaux qui sont les plus proches des clubs. Nous, ça fait partie des grosses problématiques de notre mandat, c'est qu'on a on a concentré notre énergie sur la structuration des ligues, on a financé des directeurs de ligue, on a créé ce réseau des directeurs de ligue sur du partage d'expérience, sur du partage d'informations. Et finalement, on n'a pas mis notre énergie sur les comités qui sont pourtant les premiers interlocuteurs des clubs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, dans beaucoup de choses qu'on a portées, c'est jamais arrivé jusqu'à nos bénéficiaires qui sont les clubs. Parce que les clubs ne sont pas le quatrième échelon de la structure fédérale, c'est les bénéficiaires de la structure fédérale. Donc il y a la fédération, les ligues et les comités au service des clubs. Sauf que nos newsletters sont finalement très peu lus, le 100% BAD l'est de moins en moins. Donc ce qui fait que tout ce qu'on peut faire, créer comme outil pour les clubs, si finalement nos organismes déconcentrés n'en font pas la promotion auprès des clubs, bah, c'est juste des coquilles vides qui servent à rien. Donc, la structure fédérale avec ses 100 associations, elle est indispensable. Maintenant, voilà, nous, on a clairement mis le curseur trop loin sur la direction et le fait d'imposer la direction. Maintenant, c'est à la fois une question de méthodologie, et si sur le fond, on ne remet strictement rien en cause, sur la forme, on n'a pas été bon. Donc, il y a une question de méthodologie. Il y a aussi, malheureusement, une question de personne. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes en place où je ne vois pas comment on peut faire avec eux en l'état. Ah, c'est intéressant parce qu'on a reçu un président d'un club de la région parisienne pour justement préparer les élections, poser des questions un peu sur la façon dont ça se passe et etc. On est un peu revenu sur votre mandat et il y a des éléments qui se rejoignent. Il avait notamment mentionné le fait que finalement, peu importe votre collectif ou pas, il y aurait potentiellement un mandat tourmenté. Quand je dis tourmenté, je pèse mes mots avec ce qui s'est passé. Vous l'avez décrit dans beaucoup de vos réponses, mais le contexte a été compliqué. Est-ce que ça, vous l'aviez anticipé et vous imaginiez que ce serait autant ? Non. Nous, le collectif qu'on avait formé en 2019 et 2020, on était quasiment tous présidents de club, tout du moins dirigeants de club. On était quelques-uns à avoir eu une expérience comité, ligue ou fédération, mais c'était minoritaire. À aucun moment, on a pensé vivre ça. Il y a une grande partie des membres de ce collectif qui ne reprennent même pas de licence tellement ils sont dégoûtés du badminton. Et je crois qu'on se pose clairement tous la question de continuer à jouer parce qu'on a perdu... On a perdu la saveur, on a perdu la flamme, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont voulu nous détruire humainement. Au-delà de ne pas être d'accord sur des idées, sur un projet, sur la manière dont on a géré la fédération, et ça on est tout à fait ouvert à la critique, ça a été beaucoup trop loin parce que c'est les personnes qui ont été visées et qui ont voulu être détruites jusque dans leur propre vie professionnelle. Donc clairement, on se plaint qu'on manque de bénévoles et on nous a toujours renvoyé tout au long du mandat qu'on avait pris comme titre du projet l'humain au cœur de la performance sportive et sociale du badminton. Et donc on nous a toujours, dès qu'il y avait une décision qui plaisait pas aux gens, ah ben voilà, vous parlez d'humain et en fait tout ça c'est un écran de fumée. Dire qu'on replace l'humain au centre, ça veut pas dire faire plaisir à tout le monde. Et ça, clairement, ça n'a pas été compris comme ça. L'humain, ça veut dire qu'on essaie de tenir compte des enjeux de toutes les familles du badminton, sans pour autant faire plaisir à tout le monde, parce que si on commence à vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est du clientélisme, et on n'avance pas parce que y a des intérêts qui sont divergents. Le badminton français, il est très très hétérogène et hétéroclite. Donc voilà, donc on assume le fait qu'on a pris des décisions qui n'étaient pas là pour faire plaisir à tout le monde. On l'a fait parce qu'on pensait à ce moment-là que c'était dans l'intérêt de notre sport, et il y a des fois on s'est clairement planté. Donc voilà, on ne peut pas à la fois se plaindre qu'on manque de bénévoles et d'un autre côté faire de la diffamation publique, de l'agression verbale quasi permanente sur les réseaux sociaux, par mail, parfois par SMS à 1h du matin, et encore récemment, hein, bien qu'on ait annoncé qu'on ne se représentait pas, ça n'a jamais cessé. Et ça, je ne pense pas que ça soit un facteur de motivation pour s'engager bénévolement. Moi, je trouve que c'est un échec d'avoir si peu de candidats sur ces élections 2024. Et je pense que qu'on a vécu humainement n'a pas forcément motivé beaucoup de gens à vouloir reprendre le flambeau, même si pour moi, écrire l'histoire du badminton français, c'est de toute façon le plus grand honneur qu'on ait pu avoir dans notre vie. I'm the bad guy. Take that. On parlait un peu de la forme. J'aimerais qu'on parle un peu du fond et revenir sur ce qui était un peu le cœur de votre programme et ce que vous avez essayé de mettre en place. Et j'ai pas vraiment les bons mots pour le décrire, mais c'est un peu le badminton comme outil sociétal, notamment sur les questions de l'environnement, de l'inclusion et de la santé. C'est ce dont j'imagine vous faisiez référence, c'était ambitieux, donc vous n'avez pas eu le nombre d'années nécessaires pour mettre en place tout ce que vous vouliez mettre en place, mais comment vous estimez votre bilan sur ce point? C'était un gros chantier. Quelles sont les réussites qui vont vous rester, ou les points ou les frustrations que vous avez sur ce gros chantier? Alors, notre projet a été beaucoup caricaturé et beaucoup réduit à sa dimension sociale. Je ne sais pas si les gens lisent pas ou si ça les arrange de faire des caricatures. Notre projet a toujours été de dire l'avenir du badminton français, il doit reposer sur ses deux jambes. Et ces deux jambes, c'est d'un côté la pratique de compétition jusqu'au plus haut niveau, et l'autre jambe, c'est l'épanouissement et l'agrandissement de la famille du badminton à travers la réponse à un certain nombre d'enjeux sociétaux. Et effectivement, on a beaucoup porté dans notre communication la partie sociétale. Pour autant, on n'a jamais autant fait dans l'histoire du badminton pour la partie performance sportive. Donc en termes de réussite sur ce mandat-là, clairement, il y a l'apport de la dimension scientifique sur la modélisation de la performance sportive, d'arrêter de juger au doigt mouillé et d'objectiver un certain nombre de choses. Alors sans tomber, parce qu'on a été aussi caricaturé là-dessus, dans un pilotage 100% avec des données statistiques. Non, évidemment, le haut niveau, il y a aussi de l'humain derrière, hein, avec leurs failles. Mais clairement, on a créé cet environnement scientifique autour de la perf qui aujourd'hui est mis en avant par l'Agence nationale du sport, puisque sur le colloque Sport Data Hub qui a lieu en ce moment même, la Fédération française de badminton a été invitée à venir présenter ses outils. Quand on est arrivé il y a 4 ans, je passerai les mots qu'avait prononcé notre conseiller haute performance à l'ANS sur le badminton. Ça commence par un M et ça finit par un E en 5 lettres. Je vous laisserai joindre les deux bouts. Mais globalement, on était complètement décrédibilisés vis-à-vis de nos partenaires institutionnels et qu'on a réussi à impulser cette transformation culturelle sur la haute performance. Maintenant, on n'est encore qu'au début du chemin parce que les outils qu'on a mis en place de monitoring, de suivi de l'état de santé de chaque athlète, de l'état de forme de chaque athlète, sa nutrition, mais aussi globalement ses performances, les tournois où il vaut mieux aller pour essayer de rationaliser les déplacements, etc. Ces outils-là, c'est une vraie réussite et un vrai héritage pour l'avenir. Par contre, clairement, Jeux olympiques et paralympiques obligent, il a fallu se concentrer rapidement sur le haut de la pyramide. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la partie pôle olympique. On a structuré la partie paralympique parce que précédemment, tout le para reposait sur les épaules d'une seule personne à la fédération. Aujourd'hui, on a créé un collectif. À sa tête, il y a Elisa. Sandrine est évidemment toujours là dans le collectif. Aujourd'hui, on a 3 collectifs para, A, B et C. Enfin, voilà, on est passé de quelques performances isolées à aujourd'hui un système qui vient soutenir la performance para de l'accession jusqu'à la haute performance. Par contre, là où on n'a pas eu le temps de mettre des efforts, c'est sur les échelons du dessous, c'est-à-dire les pôles France Relève, les pôles Espoir et les clubs à venir. Donc clairement, ça serait arrivé en phase 2 si on avait continué, c'est petit à petit décliner ces outils numériques, mais aussi cette culture-là, et c'est pour ça qu'on a été chercher Fernando. Il fait beaucoup de formations, mais évidemment, il était à cheval entre l'Espagne et la France. C'est un choix qui était pas idéal et on le savait tous. Pour autant, à nos yeux, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux dans l'état actuel. Donc on avait un Fernando à temps partiel. Aujourd'hui, il est à temps plein à la Fédération depuis début septembre. Et clairement, son rôle, et on le redit, hein, son rôle, c'est pas d'entraîner. Son rôle, c'est de venir créer une nouvelle culture de la perche chez l'ensemble des acteurs en France. Face à ça, on a eu des difficultés. La première difficulté, ça a été l'instabilité de l'encadrement sur le pôle olympique, puisque à l'été 2022, tout le staff a démissionné, ne se retrouvant pas justement dans cette culture que partageait Fernando. Donc il a fallu restaffer en plein milieu de l'Olympia, donc évidemment, bah, tout le monde était déjà pris en pleine année, enfin en pleine Olympiade. Et voilà, donc il y a eu cette instabilité-là, on a fait les choix qu'on a pu, on a recréé un staff intégralement au 1er septembre 2024, avec une très belle équipe qui mêle à la fois des expériences internationales et aussi des promesses chez des jeunes entraîneurs français pour faire ce trait d'union et pas être en permanence à aller chercher l'expertise à l'étranger. Donc on est dans cette démarche de construction de l'avenir, mais clairement sur la performance sportive, on a investi beaucoup, plus que jamais dans l'histoire de la fédération. Alors trop, hein, parce que ça nous a amené au crash budgétaire 2023, clairement. Pour autant, voilà, en année pré-olympique, on n'a pas voulu sacrifier le destin de nos athlètes. Voilà. Donc ça, c'est sur la première jambe. Et dans cette jambe-là, il y a aussi la réforme de l'intégralité des championnats de France individuels. Donc c'est pas rien quand même de réformer les quatre. Évidemment, ça fait pas plaisir à tout le monde parce qu'on a réduit les formats des quatre championnats de France. Mais à un moment, clairement, un championnat de France, c'est pas la fête du coin. La mission d'un championnat de France, c'est de déterminer quel est le meilleur dans chaque catégorie et pas de faire plaisir à tout le monde. Et historiquement, on voulait faire plaisir à tout le monde. On prenait beaucoup plus que ceux qui avaient le potentiel d'être champion de France. On a fait ce choix-là en cohérence sur les quatre. Et puis ça permet aussi d'alléger, exactement, ça permet aussi d'alléger les cahiers des charges, d'éviter d'avoir des mastodontes qui ne trouvaient plus. Pour en simplifier l'organisation aussi. Oui, là, voilà, on est fin 2024, l'intégralité des championnats de France 2025 sont pourvus et on a déjà des candidatures pour 2026. Et parfois plusieurs sur la même compétition, ce qui donne lieu à des déceptions parce que, effectivement, à une époque, il suffisait de candidater pour l'avoir parce qu'on était les seuls. Il y a aussi la réforme. Quand vous dites juste, excusez-moi, quand vous dites les quatre, juste pour expliquer, j'imagine que c'est senior, junior et vétéran, c'est donc, ça ? Élite, jeune, vétéran, oui, et para. Oui, d'accord. C'était juste pour être sûr. Excusez-moi. Voilà. Et le premier qu'on a essayé de réformer et on n'aura jamais réussi, c'est le top 12, qui aujourd'hui est un champion et qui ne ressemble plus à rien, qui pâtit voilà, de défection sur ces deux dernières saisons parce que ça demande une rigueur budgétaire importante. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des investisseurs dans le top 12 parce que les rencontres sont trop longues, parce que il y a pas assez de récurrence dans l'année, parce que parfois d'avoir une équipe très très étrangère, ça ne motive pas forcément les foules. Et puis dans le même temps, les clubs investissent sur les athlètes. Et puis on se retrouve avec un calendrier international qui est d'une densité hallucinante. Il ne faut pas oublier que la BWF a encore augmenté le nombre de compétitions dans le cycle 2023-2026, en oubliant l'état de la planète, en oubliant l'état des finances des fédérations, notamment européennes. Mais ça, on pourra revenir sur la question de la BWF. Ça mériterait une émission à part entière. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, la problématique du top 12, c'est est-ce que le badminton, c'est un sport individuel ou un sport collectif? J'ai mon idée sur la question, mais on n'a clairement pas réussi à avancer là-dessus à coup de communiqués de presse, assassins, etc., sur un chantier qui était piloté par mon successeur. Ensuite, donc, il y a la question du classement. La question du classement qui est cruciale, qui est au cœur des préoccupations de nos compétiteurs. C'est un chantier sur lequel on s'était engagé à aboutir avant la fin de notre mandat. On a échoué parce qu'il y avait des gens qui avaient tout intérêt à nous faire échouer sur le sujet. Les éléments, ils sont prêts. La philosophie, elle avait été partagée sur le webinaire de juillet 2023. Les tests ont continué, l'écriture des règlements a continué. Donc ça sera à la nouvelle équipe d'appuyer sur le bouton ou pas sur leur premier conseil d'administration en janvier pour que ça soit mis en place au 1er septembre 2025. Les briques sont là, il y a des paramétrages à acter parce que c'est des arbitrages politiques. Mais globalement, les outils sont là, même si la réforme elle n'est pas poussée au maximum. À titre personnel, je militais pour qu'on supprime les lettres, parce que ça crée des comportements malsains, comme si dans sa vie, le but c'était d'être R4 un jour. Ça crée des comportements complètement déviants. On a aujourd'hui, notre nombre de points, et ça suffit largement pour faire tourner l'ensemble de l'ingénierie de compétition. On rajoute à cette moyenne de points un ranking et un classement lettré. Bon, ça fait trois informations pour dire la même chose. On le voit, il y a des N1 qui peinent à trouver leur compétition. Ça anime les débats et c'est très bien qu'il y ait des débats. Parce que le système de compétition et de classement ultime qui contente à la fois celui qui est tout en haut de l'échelle et celui qui est tout en bas, ça n'existe pas. Donc c'est des compromis à faire. La philosophie du prochain classement, si elle est conservée en l'état, c'est essayer de tirer le meilleur du CPPP d'avant 2015 et du CPPH depuis. En tirant toutes les conclusions de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est la première jambe qui a été très riche en termes d'offres de compétition pour les jeunes qui a été intégralement repensée, l'offre de compétition vétéran qui est maintenant fédéralisée. Et puis il y a la deuxième jambe qui est la jambe à laquelle on nous a identifiés. Et j'ai forcément ma part de responsabilité dedans. C'est sur la question. Trop souvent, vous pensez ? Vous pensez qu'on oublie trop ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, la partie au niveau performance ? Bah, je trouve oui, parce que, et là, en 10 minutes, dire tout ce qu'on a fait sur le champ de la compétition, c'est très court, mais c'est. Pendant 4 ans. C'est peut-être le mandat où il y a eu le plus de chantiers. De chantier sur ces aspects-là. Donc c'est ingrat, hein. Forcément, quand on est à la tête d'une fédération, parce que les gens vont toujours choisir le truc qui fait mal. Mais voilà, donc on considère, nous, que notre mandat, il a été équilibré dans les actes. Par contre, pas forcément dans les discours. Et ça, je l'avais reconnu en septembre 2023, c'est que la dimension compétitive, elle existe, tout le monde la connaît, et on ne pourra pas s'en passer. On le voit bien, si on n'a pas le haut de la pyramide qui brille, on peut faire des choses merveilleuses en dehors, on ne fera pas parler de tout. La deuxième jambe, elle a contribué à renforcer l'image de marque de la fédération en externe. Aujourd'hui, la fédération de badminton, j'étais encore avec un député hier, qui disait que la fédération était exemplaire dans le portage des politiques publiques, qu'elle était exemplaire aussi dans le fait de transformer le rôle d'une fédération au XXIe siècle, et qu'on était un partenaire de confiance sur le déploiement d'un certain nombre de dispositifs. Mais le but n'était pas juste d'être bon élève, le but était encore une fois de construire l'avenir de nos associations au regard de l'évolution de la société. C'est des enquêtes qu'on a partagées régulièrement avec les acteurs du badminton, À la question « Pourquoi faites-vous une activité physique et sportive ?», les Français répondent « Pour être en bonne santé, pour s'amuser, pour se divertir, pour rencontrer des gens, pour avoir une bonne forme, enfin une bonne allure physique. » Et la compétition arrive très loin. Or, toutes les ingénieries fédérales viennent répondre quasiment exclusivement aux aspirations compétitives. Donc, à un moment... Là, aujourd'hui, on déborde de licenciés parce qu'il y a beaucoup de demandes. Maintenant, pour que ça ne soit pas juste un effet d'aubaine post-JOP, il faut qu'on soit en capacité de les fidéliser. Or, aujourd'hui, et ça fait partie des études qui ont été réalisées sur cette Olympiade et dont les chiffres font très, très mal, c'est le taux de fidélisation à 3 ans. Donc ceux qui restent 3 années consécutives à la fédération, en 15 ans, le taux de fidélisation des compétiteurs a été multiplié par 4. Et il faut féliciter tous les acteurs de la fédération depuis 15 ans, parce que c'est une vraie réussite. Dans le même temps, le taux de fidélisation des non-compétiteurs, qui représente quand même 60% de nos licenciés, n'a pas bougé. C'est dramatique. Les non-compétiteurs qui restent 3 années de suite, c'est 10% de notre population. Donc ça veut bien dire que aujourd'hui, on a progressé qualitativement sur l'offre de compétition et sur tous les aspects autour de la compétition, notamment en lien avec la professionnalisation du badminton. Mais on a professionnalisé sur l'aspect technique, on n'a pas forcément professionnalisé sur une ingénierie de l'épanouissement des pratiquants, quelles que soient leurs aspirations. Et aujourd'hui, voir que les non-compétiteurs, on n'a pas progressé d'un iota, bah, c'est un échec, et là, je vais embarquer aussi l'intégralité de mes prédécesseurs. Parce que c'est une révolution culturelle aussi. On ne forme pas les gens de la même manière pour travailler sur la santé des bâtisses, pour travailler sur la progression technique des bâtisses, pour travailler sur le prolongement de l'autonomie des badistes, pour travailler sur la confiance en soi des badistes. En fait, c'est des compétences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et le mouton à 5 pattes, qui est capable de traiter à la fois le gamin qui a un talent en puissance, la personne obèse, la personne âgée, le détenu en prison, celui qui cherche un emploi, bah, ça peut pas être la même personne. Donc il faut que notre ingénierie de formation, elle soit en capacité d'offrir des parcours qui sont différents en fonction des publics. Et ces publics-là n'ont pas tous vocation à devenir licenciés. Il faut sortir du dogme de la seule évaluation, c'est le nombre de médailles internationales et le nombre de licenciés. Parce que si c'est ça, c'est simple, on a été les plus grands dirigeants de l'histoire du badminton français. Puisqu'on est un record de licenciés mais qu'on a passé à la rentrée, là, si je ne me trompe pas, par exemple. On a battu notre record de licenciés en 22-23, en 23-24, en 24-25. Aujourd'hui, on est 225 000. On n'avait jamais passé la barre des 200 000. On l'a fait sous notre mandat. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est grâce à nous. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on n'a aucune part de responsabilité là-dedans, dans l'image qu'on a contribué à populariser autour de notre sport, et notamment sur son universalité, parce que c'est pas parce que t'es gros que t'as pas ta place à la Fédération de badminton, c'est pas parce que t'es une femme que t'as pas ta place, c'est pas parce que t'es une personne âgée que t'as pas ta place, c'est pas parce que t'es une personne en situation de handicap que t'as pas ta place, et c'est pas parce que t'es pas bon que t'as pas ta place au sein de la Fédération. Et ça, on l'a porté, la question de l'épanouissement, à chaque Assemblée Générale, on l'a rappelé, on a voulu l'inscrire dans nos statuts que notre raison d'être était de changer les vies de nos licenciés. On l'a fait voter philosophiquement, on n'a pas réussi à le faire inscrire dans les statuts. Et pourtant, à nos yeux, le rôle d'une fédération, c'est ça. C'est pas de produire des champions, c'est faire en sorte que la totalité des licenciés soient épanouis dans leur pratique. Donc sur cette jambe sociétale, on a fait un colloque il y a 15 jours où on a partagé l'intégralité de nos expérimentations, l'évaluation de nos expérimentations, parce qu'on n'est pas que dans les beaux discours. Et c'est un vrai problème dans le monde du sport, à force de dire que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la cohésion sociale. En fait, on ne challenge jamais ça. Et nous, on a essayé, de manière qualitative et quantitative, d'expliquer comment on pouvait être bon pour la santé, on pouvait être bon pour l'éducation, on pouvait être bon pour la cohésion sociale. Et ça, c'est pas automatique. C'est le fruit d'une politique associative qui est construite autour de ces enjeux-là. Donc là-dessus, on a publié un livret qui synthétise tout ça. On a une vidéo du colloque. On a un travail de recherche de 3 ans avec l'ESSEC. À la communauté du badminton de s'en emparer ou pas. Mais nous, on aura joué notre rôle d'être un phare, de fournir des outils. Et encore une fois, autant on considère que sur nos ligues et nos comités, on a un droit de regard sur les projets qui sont portés, autant les clubs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'on a noté plein d'éléments et il y en a une dizaine sur lesquels je pourrais rebondir, mais on va essayer de prendre dans l'ordre. Dans votre deuxième partie de réponse, il y a quelque chose qui m'a frappé. Parce que vous avez dit, le badminton français, c'est pas juste faire des médailles et avoir des joueurs de haut niveau. Et je voulais quand même revenir là-dessus parce qu'il y a 4 ans, quand vous êtes venu dans le podcast, vous êtes venu avant votre élection, après votre élection. Et il y a quelque chose que, en tout cas, personne ne pourra vous retirer, c'est qu'on avait parlé de la data, on avait parlé du monitoring, on avait parlé du changement dans le haut niveau. Aujourd'hui, on peut débattre de ce qu'on veut, mais ça a été mis en place. Nous, les premiers, on a débattu, on a invité Thierry Soler déjà, d'ailleurs. On avait débattu avec Ewan de l'arrivée de Fernando Rivas. Il y a eu des choses, le haut niveau, vous l'avez dit, vous n'avez pas pu mettre en place tout ce que vous vouliez aux échelons en dessous, mais le haut niveau, il a évolué. Difficile de dire qu'il n'a pas évolué en bien, donc c'était vraiment la première chose sur laquelle je voulais revenir. Je ne sais pas si vous aurez des choses à rajouter dessus, mais la deuxième, c'était aussi le top 12, parce qu'on l'avait évoqué il y a 4 ans aussi, on l'a évoqué avec votre successeur encore cette semaine dans le podcast, mais on l'a évoqué pendant ce qu'on pourrait appeler la crise du top 12, le moment où en tout cas ça a été un peu chaud. C'est vrai que ça a peu évolué. Est-ce que vous avez une idée de finalement pourquoi ça n'a pas pu évoluer alors que vous, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça doit évoluer. La problématique aujourd'hui, il y a des sports qui ont mieux réussi leur transition. Alors, on évoque souvent le succès du tennis de table et de leur championnat élite interclub, qui est un vrai outil marketing. Et pour autant, je pense que notre spectacle n'a strictement rien à envier au tennis de table. La difficulté, c'est clairement l'hétérogénéité qu'il y a aujourd'hui dans le top 12. Il y a des locomotives en termes de structuration, en termes de communauté autour, en termes de lien à la presse régionale, en termes de contractualisation avec les clubs. Et puis, il y a les autres qui sont très heureux d'être en top 12, et ça leur suffit, avec une fragilité budgétaire, et malheureusement, on l'a vécu et avec Arras et avec Talence, avec la fragilité associative, un changement de gouvernance, ça peut tout changer, des fragilités sportives, parce que la précarité aujourd'hui de nos athlètes de haut niveau font que il peut y avoir un mouvement de masse d'une année sur l'autre, et on en revient au fait que pour donner l'envie à des partenaires de venir, il faut que ça soit un spectacle, que ça ne soit pas qu'une compétition, c'est pas on vient, on regarde 8 matchs et on s'en va. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ne le voient pas comme ça. Et c'est leur droit, mais à un moment, le top 12, c'est pas la propriété des clubs. Le top 12, c'est la propriété de la fédération. Donc c'est à la fédération d'incarner cet idéal pour avoir un outil marketing au service du badminton, pas au service de la fédération. Donc il faut un format plus court, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, sur le plus de journées, moins de journées, il n'y a pas de consensus. Nous, on voulait comme indicateur arriver à un moment à 100% des joueurs de top 12 qui ont un contrat de travail avec leur club. Autant vous dire qu'on en est très, très, très loin. Et dans le même temps, les clubs nous disent « Bah oui, mais vous nous les piquez en compétition internationale une journée sur deux, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on contractualise ?» Bah oui, mais à un moment, faut savoir ce qu'on veut. Faut avoir des effectifs plus importants. Oui, on le sait, et en année pré-olympique, il était hors de question de dire aux joueurs, bah non, vous jouez en top 12 plutôt que d'aller chercher des points sur un tournoi international. Donc voilà, il y a cette difficulté-là de l'hétérogénéité, du fait qu'on n'a pas su aller au bout. C'est un des rares trucs sur lequel on a fait machine arrière parce qu'il y avait trop d'animosité. Il y en a d'autres où on a eu moins de scrupules. Ça nous a pas réussi d'ailleurs. Mais celle-là, on aurait très bien pu appuyer sur le bouton de la réforme. On fait le choix face au communiqué de presse de faire machine arrière, mais on aurait très bien pu continuer. Et le top 12 se serait déroulé selon les nouvelles règles sur la saison qui a suivi. On n'a pas eu le courage de le faire. Voilà. Mais clairement, à un moment, est-ce que tous les clubs en ICN ont vocation un jour à être en top 12 ? Est-ce que le top 12 ne doit pas finalement être un outil destiné à un petit nombre de clubs qui ont accepté de jouer le jeu ? Voilà, c'est des réponses que je n'ai pas aujourd'hui. Un sujet qui est beaucoup revenu de mon point de vue, j'ai l'impression, c'est les finances de la fédération et les dépenses. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment pour le haut niveau. Est-ce que vous estimez maintenant de votre position, donc on va dire un an après, que ces dépenses, elles ont été trop importantes et que ça aurait pu être évité? Je pense notamment à celles du haut niveau en année olympique. Ou alors, est-ce que vous pensez que c'était un passage obligé et que voilà, il fallait en année olympique et surtout en l'Olympiade avant Paris 2024, il fallait forcément entre guillemets mettre la main au portefeuille et se serrer la ceinture dans la foulée? Clairement, on fait le plus gros déficit de l'histoire de la fédération en 2023, un déficit d'1,3 million sur un budget de 12 millions. On peut pas faire comme si de rien n'était. Et on a notre part de responsabilité. Dans le même temps, les gens oublient qu'en 2021, on fait le plus gros excédent de l'histoire de la fédération. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait aussi au regard de la situation sanitaire, ce qui n'avait pas été fait avant nous. Clairement, face à cet excédent en 2021, donc quand on le partage en avril 2022 à l'Assemblée Générale, il y avait deux stratégies. Il y avait soit, comme on dit dans le jargon, en bon père de famille, on plaçait ce million d'euros sur un compte pour thésauriser, soit on le réinvestissait intégralement parce qu'on considérait quand même que ce million il provenait essentiellement des aides de l'État et qu'elles n'avaient pas vocation à enrichir les structures, mais à leur permettre de continuer d'investir, ce qui n'avait pas été possible pendant la période de cette. Alors, comme d'habitude, il y a aussi un troisième choix qui est le juste milieu entre les deux extrêmes. Donc, on a fait le choix. Et ça a été voté en AG à 80% quand même. Il ne faut pas oublier qu'on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. On a fait le choix de réinvestir intégralement cet excédent. En disant, on va accepter pendant 2 ans d'être en déficit. Donc le déficit n'était pas une surprise, il était acté. En disant, on va investir dans de la ressource humaine parce que... Enfin, voilà, la fédération était sous-staffée, on manque de gens dans tous les services, il nous fallait du monde, et la contrepartie, c'était que ce monde-là devait générer de la valeur, devait permettre un retour sur investissement, et que progressivement, le retour sur investissement, à travers un nouveau modèle économique, devait venir combler le déficit structurel qu'on était en train de créer. Donc on a engagé un directeur des partenariats, on a créé une fondation, on a créé le CFA, on a continué d'étoffer cette image de marque du badminton français capable de rayonner tout au long de la vie, autant sur la performance sportive que sur la performance sociale, et on a retiré le frein à main et on a lancé la locomotive. On s'est trompé sur 3 points. Le premier point, c'est la temporalité. C'est-à-dire que les recettes arrivent aujourd'hui, alors que dans la trajectoire, elles étaient prévues plus tôt en 2023. Là, elles arrivent plutôt fin 2024. Donc il y a un déphasage entre les recettes et les dépenses. Et là, on va atteindre un niveau de recette partenariale inédit dans l'histoire de la fédération. Avec notamment le contrat avec Victor, qui est d'un montant important, même si on n'a pas le droit de le dire. Mais clairement, voilà, déphasage, recette, dépense. Deuxième point, la guerre en Ukraine a entraîné une crise inflationniste réelle que l'ensemble des acteurs du badminton vivent au quotidien. Et je pense que on n'est pas sorti du problème. Le prix des volants augmente et ça sera encore le cas en 2025. Alors c'est plus la crise en Ukraine, hein, c'est d'autres facteurs animaliers en Chine. Mais clairement, voilà, on se prend une inflation dans la tronche qui a impacté essentiellement le haut niveau, parce que c'est eux qui se déplacent, c'est eux qui sont hébergés, c'est eux qui mangent, et on les prend en charge, même s'ils oublient régulièrement de rappeler le montant qu'on investit sur chacun des athlètes à travers une convention et un plan de performance individualisé qui n'existait pas. Troisième point, clairement, on a basé notre engagement bénévole sur la confiance et la responsabilité de nos professionnels sur le fait de tenir les budgets. Aujourd'hui, on n'avait pas les outils adaptés à ce type d'investissement. C'est-à-dire, la fédération a été très bien gérée historiquement, on a trouvé une fédération saine en arrivant, il n'y avait pas de problème. Mais on était dans une trajectoire de consolidation. Là, nous, on s'est lancé à pleine vitesse sur une trajectoire d'investissement. On n'était pas prêt à ça, parce qu'il y avait une part de risque. Jusque-là, la part de risque, elle était très limitée dans l'histoire du badminton. Le risque, ça a été l'événementiel. Et c'est un risque qui a été assumé. Voilà, en 2010, on fait un déficit parce qu'on accueille les championnats du monde. En 2016, on fait un déficit parce qu'on accueille les championnats d'Europe. Mais c'est des choses qui sont ponctuelles, donc conjoncturelles et anticipées. Là, nous, on est passé de quelque chose de conjoncturel à quelque chose de structurel, puisqu'on augmente la masse salariale de la fédération, qui est aujourd'hui à 24%, la masse salariale à la fédération, et ça a été constant, c'est-à-dire qu'on a augmenté les recettes de sorte que, on a augmenté les dépenses proportionnellement, et c'est pas que la masse salariale qui est à l'origine de tout ça. Donc voilà, donc ces trois facteurs-là, on n'avait pas les outils et la culture sur l'investissement. je crois que je vais me faire jeter de ma bulle. On se prend la crise inflationniste et il y a un déphasage recettes-dépenses. Donc on arrive à une explosion du budget en 2023 qui nous condamne à une austérité très forte de l'ensemble des secteurs de la fédération, qui condamne des projets tout entiers, mais qui est en passe d'être résorbé puisqu'on finira sur un excédent en 2024. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Je vous écoute depuis tout à l'heure et il y a plusieurs éléments qui se recoupent. On l'a dit, vous êtes venu deux fois il y a 4 ans, en deux dates très proches. Et vous nous aviez parlé de votre envie de faire évoluer le badminton français, vous l'avez encore fait là. Est-ce que votre vision du badminton français, elle a un peu changé, et votre vision aussi de la possibilité de faire évoluer le badminton français, est-ce qu'elle a un peu changé? Alors, à la première, la réponse est non. À la deuxième, la réponse est oui. Notre vision du badminton idéal, elle n'a pas changé d'un pouce, parce qu'on est convaincu que c'est le seul sport qui est capable d'être pratiqué tout au long de la vie. C'est le seul sport qui est capable d'être adapté en termes d'intensité en fonction de la personne qui le pratique. Alors forcément, je suis totalement partial quand je dis ça, mais c'est une conviction qui est chevillée au corps chez l'ensemble des membres de notre collectif. Donc ce badminton-là, celui qui est capable demain de survivre à la mutation des pratiques et à la crise associative qu'on a devant nous, parce que sinon on ne sait pas répondre aux attentes des Français, je pense que le badminton est le sport le mieux armé pour faire face à ça. Pour autant, la deuxième question, c'est est-ce qu'on est en capacité de transformer ? Les choses vont, ont évolué parce que il y a beaucoup de paradoxes dans le badminton français. Il y a un premier paradoxe sur l'argent. On a capitalisé sur notre image de sport accessible. Et le problème, c'est que dans sport accessible, les gens ont entendu sport pas cher. Alors que globalement, on a de toutes catégories socio-professionnelles dans le badminton. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de moyens, puis il y en a qui ont des vrais problèmes de fin de mois. Mais on pourrait très bien avoir un système solidaire plutôt que faire payer la même chose à tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais clairement, il y a un problème avec l'argent, c'est-à-dire que on veut niveler vers le bas en permanence, parce qu'on a la concurrence de clubs qui sont affiliés à d'autres fédérations ou non affiliés, qui ont des licences beaucoup moins chères. Moi, quand je vois des clubs de badminton avec des cotisations à 20 euros l'année, je me dis pas « ouais, c'est chouette, ils font 20 euros l'année ». Je me dis mais c'est quoi ce sport qui vaut 20 euros ? Donc moi, je considère que le badminton, il a un prix. Il a un prix parce qu'il est merveilleux. Et c'est certainement pas en lui coupant ses ressources qu'on va le faire grandir. Donc il y a culturellement, je crois qu'il y a un grand pas à faire par rapport à la relation à l'argent, mais qui, encore une fois, a une explication historique par rapport au club non affilié. Et ça, c'est quelque chose qui parasite tout. Après, il y a un aspect culturel. C'est-à-dire que j'ai visité un petit peu moins de 100 clubs pendant mon mandat, et tous me disent « mais vous en faites que pour le haut niveau, vous faites rien pour nous ». Et quand je discute avec des présidents de ligue, ils me disent « vous en faites pas assez pour le haut niveau, faut arrêter de faire autre chose ». Donc il y a cette espèce de grand écart permanent, et nous on est là pour servir les clubs, pas inverser tout. Et c'est vrai que d'avoir dans nos deux grandes familles de missions statutaires, il y a une mission qui est notre délégation de service public qui nous permet de gérer le haut niveau. Et le haut niveau, ça coûte cher. Voilà, mais c'est un investissement parce qu'on l'a vu cet été entre nos équipes de France paralympique et Alex Lanier et puis notre équipe de France olympique sur les championnats d'Europe. Hein, on n'a jamais autant parlé en bien de la performance sportive au badminton, et on parle d'eux, donc c'est important, c'est nos premiers ambassadeurs. Et dans le même temps, la deuxième grande famille de missions, c'est le grand chapeau du développement des pratiques pour tous. Donc là, on est là pour servir les clubs. Donc d'un côté, on sert les athlètes de haut niveau, de l'autre, on sert les clubs. Et les intérêts des deux sont profondément antagonistes. Et nous, la fédération, notre rôle, c'est de faire le grand écart entre les deux. Et ça, le partager à tout le monde, et ça marche autant pour les athlètes de haut niveau qui ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on met de l'argent en dehors du haut niveau, et les clubs qui trouvent qu'on en met trop sur le haut niveau, il faut qu'on arrive à ménager la chèvre et le chou. Et ça, c'est compliqué, et pour ça, on a besoin d'une pédagogie fondamentale auprès de dirigeants bénévoles qui ont mille et une choses à faire, qui sont noyés sous les informations. Et aujourd'hui, on ne touche pas notre cœur de cible. Et tant qu'on n'arrivera pas à toucher les dirigeants bénévoles dans les clubs, la fédération, elle peut faire les choses les plus merveilleuses du monde. Ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on... Et on n'a pas trouvé la solution. Hein. Mais la communication en 2024, c'est même pas la communication en 2020. Les choses bougent très très vite. Donc je ne sais pas si faut qu'on fasse le pitre sur TikTok pour arriver à faire passer des messages. Mais clairement, la structure fédérale, elle existe pour ces clubs, sauf que les clubs ne savent pas tout ce que fait la fédération. On a lancé là, en préparation des élections, on savait déjà qu'on ne se présentait pas, hein, on l'a annoncé dès janvier qu'on ne se représentait pas, mais on voulait faire cet effort pédagogique, donc ça s'appelait les mercredis de la FFBAT. Donc tous les mercredis, pendant 11 semaines, on a partagé un contenu pédagogique, et sur Facebook, et sur LinkedIn, et sur MyFFBAD, c'est très peu lu. C'est très peu lu. Mais on aura essayé. Et je ne regrette pas d'avoir essayé tout ce qu'on a essayé. Sur le fond, on regrette strictement rien. Sur la forme, il y a beaucoup de choses à dire. Look at this, look at that. Il nous reste deux petites questions. La première, elle est peut-être un peu large pour le coup, mais c'est, on connaît votre successeur, Franck Laurent, et sa liste Ambition Badminton. Vous l'avez dit, c'était la seule à se présenter, et vous le regrettez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout simplement de cette liste et du programme d'Ambition Badminton? Alors, quand vous êtes battu pendant 4 ans pour porter un idéal que des gens ont combattu de la première à la dernière minute et que vous vous retrouvez avec face à vous une seule liste composée à 75% de gens qui ont demandé votre tête il y a un an, c'est pas la meilleure chose qui soit. C'est pas franchement ce dont je rêvais. Pour autant, si je suis pas content, j'avais qu'à me représenter. Donc la démocratie est ce qu'elle est. Pour certains, je n'ai fait qu'insulter la démocratie pendant tout mon mandat en étant un gros connard de dictateur. Tout a toujours été voté démocratiquement, et en comité exécutif, et en assemblée générale. Je pense que je ne partage pas beaucoup en termes de vision avec les gens qui vont nous succéder. Pour autant, je ne m'abaisserai pas au niveau de ce que eux ont fait. Je ne passerai pas mon temps à dénigrer la moindre décision pendant les 4 années qui viennent. Je leur souhaite le meilleur. Parce que j'ai pas fait tout ça pour détruire ou nuire à la fédération. C'est des gens qui ont envie de s'engager. C'est des gens qui ont leur vision, que je partage pas forcément, mais je la respecte. C'est pas facile aujourd'hui de se présenter à la tête de la fédération. Je serai évidemment pas leur premier partisan, mais je serai en aucun cas un détracteur aveugle qui tire à vue sur tout ce qui bouge. Donc je leur souhaite de continuer à avoir des équipes de France qui brillent chez les jeunes, chez les paras, chez les valides. Je leur souhaite d'arriver à continuer de combler petit à petit le fossé qu'il y a entre la fédération et les clubs. Je leur souhaite d'avoir un mandat qui est beaucoup plus serein et surtout qui les préservera plus que nous. Parce qu'encore une fois, nous, on ressort, on est brisés. On est brisés au bout de 25, 30, 40 ans de bénévolat. On ne veut même plus en entendre parler. Et à aucun moment, je leur souhaite de vivre ça. Donc, je n'exprimerai pas mon opinion sur leur programme. Je veux juste qu'on respecte les gens, qu'on ait le courage de se présenter. Et on les jugera en 2028 et pas avant. Vous l'avez évoqué au début et vous l'avez réévoqué là, mais c'est vrai que quand on vous a reçu il y a 4 ans et aujourd'hui, bah, je pense que même nous avec Ewan chez 21 Shuttle, la différence elle est évidente et on sent bah, clairement que pendant 4 ans ça a été éprouvant, et je pèse mes mots, éprouvant pour vous mais éprouvant pour l'ensemble du collectif, vous l'avez dit. J'allais demander en fait si vous souhaitiez conserver un rôle dans le monde du badminton, mais vous avez même évoqué que pour certains dans votre liste, au-delà de conserver un rôle, certains n'allaient même pas reprendre de licence. Est-ce que vous souhaitez garder un rôle en tant que licencié ou simple licencié de la FFBAD ou plus, et si oui, lequel? Je suis incapable de répondre aujourd'hui parce que la cicatrice, elle est trop à vif. Sur le terrain, j'étais en interclub la semaine dernière et c'est la première fois en 25 ans que je me suis dit je prends plus le moindre plaisir à taper dans le volant. Je pense que c'est évidemment dû au traumatisme de ce qu'on a pu vivre pendant le mandat. Et c'est dommage. Je pense qu'il va falloir du temps. J'aurais pas la bêtise de dire que je ne reviendrai jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, j'ai besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à la fédération et au badminton. Donc j'ai pas de réponse. Je garde l'intégralité de mes convictions pour la beauté de notre sport. m'a fait un peu de mal. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Et c'était notre dernière question. Est-ce que vous voulez conclure quelque chose que vous n'avez pas pu dire? On vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter. Bon, j'ai déjà été très bavard, donc je ne vais pas en rajouter. Déjà, je salue ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout. Non, vous remercier parce qu'on a besoin, dans la construction de ce nouveau récit, de gens qui prennent la parole et qui ne sont pas institutionnels. Ce qu'il a manqué, clairement, et c'est mon plus grand regret, c'est des espaces de débat. On a fait plein de tables rondes, mais sur lesquelles à chaque fois tous les intervenants étaient d'accord. Donc c'est pas vraiment du débat. Certains diront qu'en comité exécutif, il n'y a pas eu de débat non plus. Il y en a eu. À la fin, il y a une majorité qui a tranché. Et c'est le rôle d'un collectif aussi, hein. C'est parfois de parler d'une seule voix. C'est pas que c'était des petits soldats qui m'obéissaient au doigt et à l'œil, c'est qu'il y avait des débats entre nous avant et après. On avançait ensemble, en collectif. Mais clairement, il faut des espaces de débat. La question de l'équilibre entre compétiteurs, non-compétiteurs, il n'y a pas de vérité. Nous, on n'a jamais eu la prétention de détenir la vérité. Nous, on avait une conviction forte sur ce dont le badminton avait besoin pour les années à venir. Et clairement, il faut du débat. Il faut des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui se respectent. Donc on a manqué d'espace de débat et on a manqué de respect. Et j'espère que sur la prochaine Olympiade, voilà, vous me parliez tout à l'heure du programme de nos successeurs, les universités d'été, c'est une super idée. J'espère qu'elle verra le jour et que ça sera des beaux espaces de prise de parole, encore une fois, dans le respect des divergences et des convergences. Donc voilà, j'aimerais tellement que demain, toute la presse parle du badminton en bien. Je dirais même qu'elle en parle tout court, parce que malheureusement, on ne peut pas dire qu'on existe beaucoup. Mais on a planté des petites graines et on espère qu'elles germeront pour le bien de notre sport. Et encore une fois, je vous souhaite le meilleur à nos sportifs. Merci. Je vous remercie d'être venu. Et puis, je voulais également vous remercier. Je pense que Benoît va être d'accord avec moi d'avoir été, en tout cas, très disponible quand vous étiez candidat et même après que vous étiez élu. Alors qu'on sait que vous avez quand même un agenda hyper chargé. Mais nous, en tout cas, pour 21 Shuttle, vous avez toujours été là pour nous répondre ou pour venir. Et encore pour cette fois. Donc, c'est tout à votre honneur, je trouve, qu'on soit d'accord avec vous ou pas. Donc, je voulais vous remercier pour ça et vous souhaiter le meilleur pour la suite, quelle qu'elle soit, du coup. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté. On est curieux de connaître votre avis sur les différents sujets abordés dans cet épisode, donc n'hésitez pas à en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, toujours en respectant l'avis de chacun. Si vous n'avez pas encore écouté, notre interview du nouveau président de la FFBAD, Franck Laurent, est déjà en ligne. On se retrouve ce vendredi 27 décembre pour notre dernier épisode de l'année. On va faire un grand bilan de ce que l'on a retenu sur la planète badminton en 2024, décerner nos propres trophées de joueurs et joueuses de l'année, réécouter nos prédictions réalisées il y a un an et en tenter des nouvelles pour 2025. Passez de bonnes fêtes, à la prochaine! 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。在经历这平凡的生活。